Nous sommes en compagnie d'Anne de Courchelle et on parle de rayons X et d'astronomie de l'univers chaud. À vous écouter, hein, vous savez qu'on se dit qu'on a de la chance de vivre dans un endroit relativement tranquille, hein, parce qu'on a un soleil qui est calme, en dehors de la couronne, qui est sympathique pour les éclipses. Finalement, il n'y a pas d'événement violent, il n'y a pas d'accélération brutale. Le centre de la galaxie que vous nous décrivez comme étant quand même très chaud, si on arrive à des températures de 100 millions de degrés. On vit dans un univers, nous, en tout cas localement, qui est, je ne sais pas si j'utiliserais le mot préservé, mais en tout cas favorable à notre existence. Hein. Oui, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de place à l'extérieur. C'est le sentiment que vous avez quand vous regardez le reste de l'univers, vous dites finalement on a une bonne place. Et c'est-à-dire quand je regarde spécifiquement ces régions-là, oui, ouais. Là je sais que c'est invivable. Oui. Ouais. Alors évidemment, cette observation, ces observations concernent toute la galaxie parce que les objets sont répartis un petit peu partout. Les sources sont plutôt, pour les températures dans les régions que vous nous décriviez, sont plutôt au centre. Et c'est le cas aussi dans d'autres galaxies où on va s'intéresser aux régions centrales des galaxies. En fait, oui, il y a une concentration de sources au centre. Bon, ça, c'est vrai, indépendamment de la longueur d'onde. Et ce qui se passe, c'est qu'au centre, en rayons X, ce qu'on voit, c'est des systèmes binaires qui sont très brillants. Et puis, une concentration de gaz chaud. La température est quand même maximale vers le centre. Parlez-moi des systèmes binaires, ça veut dire quoi ? Système binaire, c'est un système avec deux étoiles qui tournent. Donc, un qui est un objet compact, donc plutôt une étoile de type étoile à neutrons ou trou noir, et un objet qui tourne autour. Donc généralement, les systèmes qui émettent en rayons X sont des systèmes assez proches où il y a un transfert de matière entre l'étoile compagnon, qui peut être une étoile normale ou une étoile plus massive, qui transfère de la matière donc, vers l'objet compact, étoile à neutrons, trou noir, hein, et qui émet donc d'importantes émissions X. Quand la matière tombe, elle est chauffée à des températures très élevées. Ça veut dire que c'est déjà des systèmes en fin de vie. Il y a une étoile qui est devenue extrêmement dense parce qu'elle est en fin de vie. Oui. Ouais. Et il y a de l'échange de matière entre les deux. Oui. Ce qui peut déclencher l'explosion de l'étoile simplement par captation du gaz. Alors, dans ce cas-là, c'est des systèmes où il y a une naine blanche. Et donc, ça, c'est un des processus d'explosion qu'on appelle des supernovas type 1A, où en fait, c'est dans un système binaire, une naine blanche qui accrète de la matière, qui va dépasser la limite de stabilité gravitationnelle de 1.4 masse solaire, et qui va donc exploser. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun résidu compact. L'ensemble de la matière explose. Ce sont celles-là qui nous servent de chandelle à très grande distance. Voilà, pour des mesures cosmologiques. Et ça, c'est une des classes possibles de supernova. Il y en a une deuxième, c'est l'étoile qui arrive en fin de vie, simplement. Voilà, qui est très massive, qui est une étoile qui a commencé au-delà de 8 masses solaires et qui va finir par exploser par effondrement gravitationnel. Donc il va y avoir d'abord une implosion par effondrement gravitationnel qui va être suivie d'un rebond et d'une explosion des couches externes de l'étoile. Mais avec vos lunettes X, vous observez en fait l'environnement des objets compacts, à la fois le voisinage. Le voisinage. Pourquoi ? Parce que c'est là où la matière est attirée, elle est chauffée par un processus qui la rend visible en quelque sorte. Oui, la matière qui va tomber sur l'objet compact va être élevée à des températures très élevées qui va émettre en rayons X. C'est le cas des trous noirs. Voilà, c'est le cas des trous noirs. Donc en fait, vous êtes l'astronomie, enfin vous utilisez les instruments de l'astronomie qui permet de détecter des objets aussi exotiques que les trous noirs. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Toute cette physique de matière très condensée, de champs magnétiques extrêmes, toutes ces conditions physiques amènent à des émissions dans le domaine des rayons X, d'une façon ou d'une autre. Donc donc les trous noirs, bien sûr, en font partie. Alors, je vais vous poser la question qui tue, c'est quand on prend des lunettes normales et des lunettes X, on voit plus de choses en X qu'en normal ? Ça dépend des objets qu'on regarde. Donc, par exemple, dans les vestiges de supernova, un sujet que je connais bien, si on regarde en optique, on va voir quelques filaments optiques, donc des régions qui sont un peu plus froides, qui étaient un peu plus denses en fait, mais on ne va pas voir du tout la même chose. Et la fraction qu'on voit en optique de masse, de quantité de matière, est très négligeable par rapport à la fraction de matière qu'on voit en rayons X. Ce n'est pas forcément le cas de tous les objets, mais en tout cas de ces objets-là, c'est le cas. On peut dire qu'on voit plus en profondeur, qu'on voit caché. Oui, en profondeur, on voit l'ensemble du volume qui a été chauffé, alors qu'en optique, on va regarder des fractions de densité un peu plus importantes. Ça veut dire aussi que ça concerne les étoiles dans leur naissance, dans les nuages moléculaires qui les créent, où il y a souvent beaucoup de poussière, de gaz, et on ne sait pas très très bien comment ça fonctionne à l'origine. Alors en fait, dans ce cas-là, on a l'émission X qui est associée donc à dans les régions de formation d'étoiles, à la création de l'étoile, et puis à l'activité magnétique de ces proto-étoiles. Alors, l'avenir... C'est parce que là, je constate que vous avez deux télescopes. En tout cas, la communauté a deux télescopes. Et on sait très bien que l'obsession d'une communauté, c'est d'abord de se dupliquer. C'est un processus très darwinien, y compris en astronomie, avec les instruments. Le futur, c'est pour vous un projet qui s'appelle Symbole X. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, Symbole X, c'est un projet donc français, entre la France, une collaboration entre la France, l'Italie et l'Allemagne, et qui est un projet extrêmement audacieux, puisque pour la première fois, ce sera de mettre en fonctionnement deux satellites, donc un vol en formation, où un des satellites portera les miroirs et le second satellite portera le plan de détection, ce qui permet d'avoir une longue focale, et ce qui permet, donc le pas gigantesque, c'est d'arriver à focaliser des photons X au-delà de 10 kilo-électronvolts. Quelle distance entre les deux satellites ? 20 mètres. Ça veut dire que c'est comme si vous lanciez un télescope de 20 mètres avec un miroir et le plan focal 20 mètres plus loin. Voilà. Ah oui, ça, c'est pas faisable aujourd'hui. Donc, il faut que les deux télescopes se suivent. Et ça, c'est un projet qui est donc symbolique, qui doit faire ça. Puis après, repris au niveau international, européen, par le projet XEUS, pour lequel le principe est le même, d'avoir deux satellites en formation. Donc qui à la fois bénéficierait de la quantité d'informations en quantité de photons, c'est-à-dire beaucoup de lumière, et en même temps une capacité à pouvoir avoir une définition, une haute définition. C'est un mélange un peu de ce qu'est XMM aujourd'hui et Chandra, quoi. Oui, sauf que ça va beaucoup plus loin, parce que ça permet de focaliser l'émission X au-delà de 10 keV, alors que XMM et Chandra s'arrêtent à 10 keV. C'est-à-dire, comme vous dites, au-delà de 10 keV, ça veut dire avoir plus... Une énergie plus élevée. À des énergies plus élevées, c'est-à-dire vous augmentez la gamme d'énergie accessible. Exactement. Et avoir des énergies plus élevées, ça veut dire quoi ? C'est regarder des plasmas un peu plus chauds. Oui. Et c'est regarder des particules à plus haute énergie encore. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a besoin de connaître la coupure, jusqu'à quelle énergie sont accélérées ces particules. Et donc, il est crucial de pouvoir monter au-delà de 10 keV et d'avoir des images. Pour l'instant, on a des spectres, mais c'est intégré sur des très grandes régions du ciel. Oui. Donc, il y a des instruments qui fonctionnent au-delà de 10 keV, mais qui n'ont pas une imagerie à la taille de ce qui est fait pour l'instant avec XMM Newton ou avec Chandra. Donc ça veut dire que pour atteindre ces températures plus élevées, il faut avoir des télescopes qui soient plus grands. Il faut des télescopes, il faut surtout une focale plus grande. La clé, c'est une focale plus grande. Et ça, on ne peut pas avoir un satellite qui fasse 20 mètres. Donc c'est pour ça qu'il a fallu séparer les deux satellites, la partie miroir de la partie détecteur. Alors c'est un projet qui est développé par le CNES. Oui, et l'Agence spatiale italienne. Et l'Agence spatiale italienne, les Allemands. Et les Allemands. Alors c'est de la très haute technologie de précision, parce que faire voler deux satellites en formation, j'imagine que là on est vraiment, on n'est pas au centimètre près, on est mieux que le centimètre. Oui, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est plus précis que ça. Oui, c'est beaucoup plus précis que ça, je ne sais plus exactement. Ça pourrait partir quand, ça ? Ça, le projet, ce serait pour typiquement 2013, 2014, dans cette gamme-là. Avec des instruments qui sont conçus spécialement pour ce type de télescope. Exactement. Donc des CCD et puis des détecteurs qui permettent de détecter des rayons X à beaucoup plus haute énergie. Alors là, évidemment, mêmes objectifs scientifiques que ceux dont nous avons déjà parlé, simplement avec plus de précision. Accélération des particules dans les champs d'explosion d'étoiles, là, vous serrez encore plus la traque, si je puis dire. Et ce qui est important, c'est que c'est un domaine qui est inconnu. On n'a pas d'image, on n'a pas du tout d'image. Donc on va découvrir forcément des choses. Non seulement on précise, mais on n'a pas d'information spatiale sur ces photons que l'on connaît, qui sont là, mais on n'a pas d'information spatiale sur leur distribution. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et pour toute la théorie d'accélération, par exemple, c'est essentiel de savoir comment sont distribuées ces particules. Quand vous parlez d'image, ça peut prêter à confusion, c'est vraiment une image comme une image faite par le Hubble Space Telescope? C'est une image faite typiquement comme XMM, un peu moins bien qu'XMM, mais de l'ordre de grandeur du détail d'image des images XMM, donc quelque chose qui est... Ça veut dire que quand vous regardez une image, je sais pas, d'une supernova historique faite par XMM, ce que vous montre l'image, c'est des zones de température, comment vous la lisez, comment vous la décodez cette image? En fait, ce qu'on mesure en astronomie X, c'est chaque photon, photon par photon. Pour chaque photon, on enregistre sa position d'arrivée, donc pour reconstruire l'image, son énergie et le temps à laquelle il est arrivé. Donc à partir de ça, on peut reconstruire des images dans plein de bandes d'énergie différentes. Donc on peut construire des images dans une gamme d'énergie, mais préciser, par exemple, tracer des images dans des raies d'émission particulières. Ça veut dire, par exemple, que vous pouvez avoir une image d'un résidu de supernova simplement avec du titane qui aurait été fabriqué par la supernova. Voilà la distribution du nuage de titane fabriqué. Voilà, ça serait l'idéal. Mais ça demande d'avoir une très bonne sensibilité à des énergies qui sont de l'ordre de 70 à 80 kilo-électronvolts. Évidemment, vous réduisez. Donc, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est exactement ce qu'on souhaiterait. Oui, ça, c'est un rêve, ça. Voilà, c'est un rêve. Regarder les éléments morceau par morceau... Exactement. Pour le titane, c'est un rêve. Pour le silicium, le fer, ça, nous l'avons déjà. Mais pour le titane, comme il s'agit que cette raie de décroissance radioactive est à très haute énergie, il faut nécessairement un télescope capable de focaliser ces énergies-là. Moi, j'avais dit titane au hasard, mais il y a tous les éléments. Non, ce n'était pas un hasard. C'est le seul qui se trouve dans cette catégorie. Ça, c'est pour le projet, donc on va dire franco-germano-italien. Les Américains ont aussi des projets de développement dans l'X. Oui, alors Constellation X, qui a été donc un projet. Le projet américain. Pour l'instant, c'est pas tout à fait clair de savoir si Constellation X va durer ou pas. Est-ce qu'à un certain terme, il y aura un mélange des expériences entre Zeus et Constellation X? Ça, c'était une hypothèse qui a été travaillée à un moment. Donc on verra ce que le futur nous réserve. Mais qu'est-ce que vous utilisez comme argument quand il s'agit, pour votre communauté, de dire qu'il faut construire de nouveaux instruments? Aujourd'hui, qu'est-ce qui marque le plus? Est-ce que c'est la compréhension justement de ces mécanismes particuliers dont nous avons parlé, hein, de physique, ou est-ce que c'est la contribution à la recherche de la matière noire, la compréhension des grandes structures et de la façon dont l'univers s'est organisé? Et quelle est la mode qui aujourd'hui soutient vos expériences et vos instruments? La cosmologie, les grandes structures, regarder l'univers lointain. Et ça, c'est accessible, c'est accessible avec des futures missions comme Xeus, par exemple, qui vont avoir une capacité de collection 50 fois supérieure à celle d'XMM, qui était déjà très bonne. Donc ça permet d'obtenir des photons de l'univers très lointain, donc d'étudier les structures à grande échelle, de regarder les trous noirs, l'évolution des trous noirs dans l'univers. Donc c'est essentiellement ces thématiques-là qui détermine ce qu'on souhaite avoir comme instrument. Parce que c'est l'inconnu et qu'on a besoin de comprendre l'univers à grande échelle. Et de façon complémentaire, on regarde la physique détaillée de l'univers local, mais on a besoin de comprendre l'évolution de l'univers à grande échelle. Oui, parce que plus on va dans le temps, plus l'univers était chaud. Est-ce que ça veut dire que vous avez une tranche de temps qui est celle de l'astronomie X, ou est-ce que vous pouvez aller jusqu'aux premiers éléments d'observation, au rayonnement fond diffus, on va dire, qui existe en X comme en visible? Non, là, les objectifs, c'est de regarder les objets formés les plus tôt, les plus lointains, les noyaux actifs de galaxies, ces objets-là, les amas de galaxies, de regarder les premiers... ceux qui ont été formés en premier. C'est plus dans la recherche de signatures de ces objets qu'on va essayer de comprendre l'évolution de l'univers. Et de voir comment, au fur et à mesure qu'on regarde de plus en plus près, cette population, par exemple, de trous noirs évolue. Et quel est le lien avec l'évolution à grande structure, à grande échelle de la matière. Vous avez eu travail pour quelques décennies, là. Oui, je pense. Merci à Anne de Courchel, merci d'être venue nous parler de cet univers chaud qui est celui de l'astronomie X. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans un prochain épisode. Merci beaucoup.